chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. C'était le bilan des Alouettes de Montréal hier, et moi je suis déçu un petit peu parce que c'est la tradition. On va y aller dans la continuité, donc ça veut dire la continuité de défaite. On en parle dans une table ronde avec Pascal Masson, notre chroniqueur habituel de la Ligue canadienne. Salut Pascal. Salut Dan. Et Frédéric Degg de la presse canadienne. Vous entendez souvent sur le baseball, mais en réalité Fred, il est sur le beat des Alouettes et sur le beat également de la boxe. Salut Fred. Bonjour Danny, bonjour Pascal. Pascal, on va commencer avec toi. Es-tu déçu? Moi, je suis déçu. La question que je me pose, est-ce qu'on est allé avec... on n'a pas fait de changement parce qu'on a des contraintes financières? Parce que normalement, là, on aurait dû en faire. Là. Ben effectivement, c'est assez imprévisible de voir aucun changement du côté des Alouettes, parce que ça fait plusieurs années là, qu'on paye deux entraîneurs parce qu'on a congédié... un entraîneur quand son contrat n'est pas terminé. Donc, je pense pas que c'est les ventes de billets qui vont rattraper cet aspect-là. Donc, effectivement, il fallait s'attendre à ce que les Alouettes aient des contraintes financières en ce moment et qu'ils soient presque dans l'obligation de garder les personnes en place. Et c'est parce que là, en plus, on enlève des bancs pour essayer de vendre l'aspect... Comment ils ont expliqué ça hier, donc l'expérience client. Meilleure expérience client, comme les Canadiens, on l'entend. Ouais, exactement. Ouais. Donc, selon moi, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Là, quand tu prévois une conférence de presse puis que tu dis que Kavis Reid va être présent, c'est pas pour annoncer qu'il s'en va. Non, c'est ça. Donc, il fallait pas s'attendre à autre chose. Fred, t'étais à la conférence de presse hier. Écoute, tu as même fait des entrevues avec Kavis Reid également. Tu en as fait plusieurs. Es-tu de la même avis que Pascal quand tu dis que c'est des contraintes financières qui font en sorte que les Alouettes, il n'y aura pas de changement de ce côté-là? Ben, écoute, au niveau de l'entraîneur, ben, premièrement, là, moi, je pense que la grande responsabilité des insuccès de cette équipe-là repose sur les épaules de Kavis Reid. Moi, je pense que Sherman a tiré le maximum de l'équipe qu'il y avait sur le terrain, puis les joueurs, ben, peut faire des suggestions, mais au final, c'est pas lui le directeur général. Ceci dit, là, Pascal avait un bon point. Je pense que c'est la première fois au cours des 4 dernières années que les Alouettes se retrouveront pas à payer 2 entraîneurs en même temps en 2019, là. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que pour une équipe qui éprouve des difficultés financières, qui est au dire même du président Patrick Boivin hier, qui n'est pas rentable depuis plusieurs années, ça pèse là, à un moment donné. Par contre, moi, est-ce que je suis surpris ou déçu? Écoute, est-ce que tu donnes une dernière chance à Kavis Reid? Non. Les autres, on aurait probablement dit non, mais de toutes les places, les Alouettes ont décidé que c'était oui. Ouais. Sauf que la laisse va être très courte. Là. D'ailleurs, mon collègue Éric Leblanc du RDS.ca a demandé à Patrick Boivin, est-ce que c'est l'année de la dernière chance? Et puis la réponse de Boivin, il n'a même pas laissé le temps à Éric Leblanc de compléter sa question. Il a dit, il faut que ça marche, c'est tout. Tu sais, fait que c'est... Il n'y a pas de marge de manœuvre là, pour Kavis Reid. Il faut qu'il connaisse, il faut qu'il frappe que des circuits pendant l'hiver, puis il faut que l'équipe se mette à gagner dès le début de la prochaine saison. Ouais, c'est clair. Il va y avoir beaucoup de joueurs autonomes, Pascal. Ernest Jackson, qu'on a payé très cher, qui n'a pas livré la marchandise. B.J. Cunningham, également, va être joueur autonome. Je pense que Steven Logan également va l'être. Et Chip Cox, en tout cas, il y en a plusieurs. Penses-tu qu'il va être très actif sur le marché des joueurs autonomes ou ça va venir du côté américain? Parce que du côté américain, il n'est pas capable, semble-t-il, autant Jim Pop à une certaine époque, pas à la fin que les Alouettes, mais à une certaine époque, il était très fort à recruter des joueurs aux États-Unis. Mais là, est-ce que à quel niveau qu'il va être actif d'après toi? Ben moi, je trouve que Cave Smith se retrouve dans une situation vraiment difficile. Pas que il n'était pas déjà là, mais là, il se retrouve dans une situation où, comme on a mentionné, c'est sa dernière chance. Il n'y aura pas une saison pour se prouver. Là. Il va avoir 3, 4 semaines, 5 semaines maximum. Si on se retrouve à 0-3, 4-7 en début de saison, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des têtes qui sautent puis qu'on mette des personnes par intérim pour finir la saison, pour espérer garder les partisans, etc. Déjà que les partisans, ils partent en courant presque en ce moment. Là. Donc, il n'a pas l'option qu'il veut suivre en ce moment de dire, puis de toute façon, il nous a prouvé qu'il n'a pas été en mesure de le faire, de bâtir. Il ne peut pas dire, je vais bâtir une équipe, je vais aller chercher des bons jeunes Américains, que je vais mettre sur mon équipe de pratique. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec S.J. Green quand moi, j'étais un partant sur le terrain, puis lui, était sur l'équipe de pratique. Okay. S.J. Green, c'est un des meilleurs receveurs qu'il y a depuis des années. Tu sais, il n'y aura pas cette opportunité-là de trouver des personnes de même, puis parce qu'il va falloir que ça marche tout de suite. Donc, c'est le marché des agents libres, selon moi, là, c'est mon opinion. C'est le marché des agents libres. Mais il l'a prouvé par le passé qu'il n'était pas fort par le marché des agents libres aussi. Parce que le marché des agents libres, il faut que tu convainques les joueurs agents libres de venir jouer chez vous. Donc là, puis il faut que tu les payes. Tu sais, il se retrouve dans une situation vraiment difficile, selon moi. De toute façon, des Ernest Jackson, Chip Cox, Stephen Logan, c'est pas ces agents. Nous, on va probablement perdre ces joueurs-là, mais c'est pas eux qui vont faire la différence dans une équipe et l'organisation gagnante en ce moment. Ils sont en fin de carrière et Ernest Jackson, on le sait tous, qui était payé trop cher pour ce qu'il nous a rapporté. Est-ce qu'on va se retrouver avec un autre Ernest Jackson en 2019, un receveur qui semblait bien aller, on va le payer, puis il va se retrouver avec Johnny Manziel qui n'a pas de ligne à l'attaque devant. T'sais, est-ce qu'on va se retrouver dans le même pattern? Ben, ça va être un peu ça, moi, je pense, qui risque d'arriver. Les Alouettes, la seule façon qui, selon moi, on aurait eu de quoi d'intéressant, c'est si on avait commencé à bâtir comme il faut il y a 2 ans et se retrouver avec des choix de première ronde. Et là, on les a tous donnés. On a donné tous nos choix. Là. Ouais. Fait que là... Puis ça passe par là. Ça va passer par le marché des agents libres, selon moi. Puis espérer trouver quelques perles rares là, dans les mini-camps aux États-Unis. Ça va être complexe. Problème, j'en ai parlé, il y a 2 nouvelles ligues qui démarrent aux États-Unis, puis ça devient directement en compétition avec la Ligue canadienne, puis ça va certainement, quelque part, il y a des Américains qui ne traverseront pas à cause de cette nouvelle ligue-là. Fred, parlant des joueurs autonomes, est-ce que le fait qu'on n'a pas de centre d'entraînement fixe, ça joue contre les Alouettes pour le marché des joueurs autonomes? Oui, bien, tu sais, on se pose la question un peu à chaque année. C'est certain que les joueurs autonomes de toutes les ligues, là, ils regardent les installations des équipes quand ils ont le choix d'aller jouer n'importe où. C'est certain que si pour le même montant, t'as le choix, là, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas vu le complexe là, des Tiger Cats ou des Rough Riders, là, mais si t'as le choix entre une équipe qui a des belles installations, un vestiaire moderne, que le stade est intéressant, que c'est un complexe d'entraînement, le fun. Puis pour le même montant, là, je parle. Tu as le choix avec les Alouettes qui sont séparés à 2 endroits, qui n'ont pas vraiment de complexe d'entraînement, qui sont qu'il faut qu'ils négocient avec l'Aerio pour louer des installations, avec l'Université McGill pour louer les autres, le vestiaire au Stade Percival Molson, je m'excuse là. C'est même pas digne d'une bonne équipe junior là, tu sais, les Carabins puis le Rouge et Or là sont bien mieux équipés que McGill là en fait vestiaire là. Fait c'est sûr que ça peut jouer, mais maintenant je pense que ça c'est la job du directeur général et de l'entraîneur chef aussi en quelque part de vendre le projet. Si tu approches des joueurs de ligne offensive, des receveurs de passe, peu importe là, et tu leur dis regarde, ça va être le travail de Reed et de Sherman de défendre leur projet puis de convaincre ces joueurs autonomes là que ça sera pas une autre saison de 5-13 à Montréal puis que justement ils font partie de la solution. Tu sais, l'année passée, sont allés chercher Enoch Mwamba, qui en défensive, écoute, à moi je me trompe, doit être une des belles prises sur le marché des joueurs autonomes l'an dernier. À travers la Ligue, là, je parle. Ouais. Ce gars-là, il nous l'a dit au bilan des joueurs dimanche dernier, il dit, je le savais qu'en m'en venant ici, ça serait une année difficile, mais j'avais le goût de ça. Lui, il a un attachement vers Montréal, c'est évident, là. Lui, il avait le goût de participer à ce projet-là. Il dit, on a bâti cette année, et puis, il a été le meilleur en défense. C'est le joueur par excellence des Alouettes, Enoch Mwamba, cette année. Ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Alors, lui, il avait le goût de bâtir quelque chose en défense, d'aider à bâtir autour de lui. Alors, ça te prend un joueur à l'attaque comme lui, là, qui a le goût de s'en venir ici, qui a le goût de bâtir quelque chose et d'aider les autres autour de lui à s'améliorer puis à bâtir lui aussi, eux autres aussi. Ouais. Mais ça, comme je te dis, c'est le gros travail de Reed et Sherman cet hiver. Hey, Pascal, ça t'a-tu donné, qu'est-ce que ça t'a dit que le propriétaire n'est pas là? Ça te dérange-tu ou ça te dérange pas? Ben, certainement que ça me dérange. Je veux dire, le propriétaire qui est absent depuis toujours, tu sais, je veux dire... Non, mais hier, là, je te parle d'hier, là. Ben non, mais c'est ça, mais je veux dire, ça démontre juste une continuité dans ce qui s'en vient à Montréal. On aimait ça que le propriétaire soit présent pour démontrer que effectivement c'était décidé. Parce que tu sais, on parle avec Kevin Street, tu sais qu'il l'a engagé, Kevin Street. Ouais. Ah oh ouais. Parce que il y a un boss, Kevin Street, puis il y a quelqu'un qui donne des budgets, puis il doit se rapporter à quelqu'un. Cette personne-là se présente pas à la conférence de presse quand on décide comme organisation de dire ah, c'est quoi, Kevin Street il croit encore, puis il donne une autre année. Il n'est pas là. Moi, je pense que ça parle beaucoup. Puis c'est ça montre c'est que c'est déjà m'en foutisse. C'est déjà m'en foutisse. C'est ça? Ben, écoute, je ne sais pas quoi d'autre de plus gros qu'il y avait cette journée-là. Je ne sais pas son horaire, je n'ai pas son agenda. Ouais. Mais clairement, pour moi, je suis propriétaire des Alouettes, puis j'annonce à tous les partisans, puis à tous ceux qui suivent la Ligue canadienne, puis que Sherman revient, Kevin Sweet revient, puis que j'ai un plan, puis que je laisse Boivin tout seul annoncer tout ça, ça démontre clairement un manque de professionnalisme, selon moi. Donc, je sais pas, il est arrivé quelque chose de vraiment grave, je ne pouvais pas être là. Fred, ça n'a pas l'air. Là, mais... Toi, je t'ai parlé hier, puis toi, ça ne te dérange pas, toi. Ouais, ben écoute, honnêtement, j'écoute Pascal, puis je trouve qu'il apporte des points très valides. Ouais. Moi, d'un autre côté, hier sur le coup, j'ai pas trouvé ça si dérangeant, dans le sens que moi, de la façon que j'ai interprété ça, c'est si les Wattenhalls sont là, ils enlèvent un peu les feux de la rampe à l'équipe de direction de l'équipe qui est en place aux opérations football. Mais c'est eux les boss, c'est Patrick Boivin, il est là administratif. Oui, sauf que d'un autre côté, ça, c'est peut-être une façon de dire à messieurs Boivin, Reed et Sherman, ça c'est votre équipe là, puis c'est à vous autres à vous sortir de là. Puis quand nous autres on va se pointer dans le portrait, c'est parce que vous autres vous n'y serez plus. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai compris ça hier. Mais les points de Pascal sont très valides là, mais moi c'est comme ça que je l'ai interprété hier. OK. C'est pas fou, hein. On peut l'interpréter de même aussi du fait que Boivin a convaincu Wattenhall en disant hey, tu sais, comme laisse-moi y aller là, c'est mon call, puis lui, c'est peut-être lui aussi qui a mis il a tout mis sa table, puis là c'est lui aussi c'est peut-être sa saison. Donc, Wattenhall, il a dit « Parfait, c'est votre décision, allez-y. » C'est une version que je ne mets pas de côté et que je n'aille pas non plus. Fred, est-ce que la question a été posée hier? Est-ce que ça a été direct à Patrick Boivin? Est-ce que ça a été posé comme question? C'est pourquoi les Wattenhall n'étaient pas là? Oui, ça a été posé. Didier Ormejus d'RDS a posé la question. Ouais. Puis là, je vais être bien honnête avec toi. Je refouille dans ma mémoire puis j'ai pas ma réponse directement. Mais... Il me semble, là, j'y viens de mémoire, il me semble que ça ressemblait un peu à écoute, ils n'ont pas besoin d'être ici, c'est notre bilan à nous autres, puis les Wattenhalls sont toujours en arrière de nous autres, mais il n'y avait pas besoin d'être ici aujourd'hui. Mais là, je te dis ça de mémoire. Là. OK. Hey, on va y aller rapidement, Pascal et Frédéric. Maintenant, le poste de coordonnateur à l'attaque, on sait que Mark Sherman sera de retour, il y aura des changements au niveau du personnel d'entraîneur. Frédéric, Fred hier m'est arrivé avec un bon point. Pascal, je veux avoir ta réponse. Moi, je suis pas très chaud à l'idée de l'idée à Fred, mais regarde, c'est son idée puis je la respecte. Là. Mike Trestman comme coordonnateur à l'attaque. Moi, je dis de monter André Bolduc plutôt. André est rendu. Parce que, tu sais, Trestman, oui, c'est une tête. Tu as joué pour lui. Oui, c'est une bonne tête. Mais à quelque part, il y a trop de cheval. Là. Je pense que si Trestman arrive, tout le monde va savoir que c'est lui probablement le coach. Puis tandis qu'André va être en apprentissage. Puis deuxièmement, maintenant, retourner dans le passé, ça m'intéresse pas vraiment. Toi, c'est quoi ta. Ben, moi, mon idée là-dedans, c'est que si Mike Sherman ou Cavis Reed, je prends pas de chance à essayer de bâtir un nouvel entraîneur. Moi, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour pas perdre ma job. Okay. Si un gars comme Mark Trestman est disponible et veut venir, c'est sûr que tu sautes cette occasion-là. Parce que on n'est pas à Calgary là, où que on a un Dave Dickinson comme coordonnateur et on a un DG qui est solide et qu'on peut monter quelqu'un puis comme un Clay Brooks. Là. Ouais. On a monté Devon Clay Brooks là, comme de coordinateur défensif. Là. Il était encadré, encadré à côté. Là. Il y avait un bon personnel en place. On savait qu'on pouvait bien le bâtir. Il y avait eu des coordinateurs défensifs avant lui qui avaient montré des Chris Jones, des choses comme ça. André Bolduc, moi, je l'adore puis je pense qu'il mérite une chance dans la Ligue canadienne. Cependant, en ce moment, là, c'est Jacques Chapdelaine qui a été son commentateur à l'attaque. Cette année, c'était. Kerry Jones. Kerry Jones. Kerry ouais. Jones. Il faut qu'André Bolduc soit dans un environnement beaucoup plus favorable pour lui. Puis je crois pas que ce serait optimal pour Sherman de prendre cette chance-là. Lui, là, il faut qu'il aille chercher un commentateur à l'attaque qui a de l'expérience. Il faut qu'il aille chercher un coach de ligne à l'attaque qui connaît la game et qui va être en mesure de faire, en anglais on dit « make chicken soup out chicken shit », tu sais, de faire des miracles avec des joueurs autonomes. Ils ne pourront pas aller chercher une ligne en attaque là, 5 étoiles. Là. Il va falloir qu'il aille chercher des joueurs corrects, mais c'est la tactique, la technique derrière le coach de ligne à l'attaque qui va faire les miracles du coordinateur offensif. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire du côté des Alouettes, moi. OK. Ben, Frédéric, t'as gagné ton point. Ouais, non. Mais je veux juste souligner une chose, par exemple. C'est vraiment une impression, parce que hier, Sherman, on lui en a parlé de Mark Trestman. Ah oui, OK. Puis on lui a demandé carrément, est-ce que tu l'as contacté? Il a dit oui, je l'ai contacté pour, en tant que confrère, dans le monde des entraîneurs-chefs pour lui dire que j'étais avec lui puis lui souhaiter bonne chance. Il a pas offert une job hier, mais moi, je pense comme Pascal là-dessus, si tu as un Mark Trestman qui est intéressé à venir, tu n'as pas le choix de t'entourer des meilleurs là, à un moment donné. No. Et moi, je pense qu'à long terme, comme Pascal, je pense qu'André Bolduc serait un meilleur coordonnateur à l'attaque s'il apprenait quelques saisons sous la gouverne d'un gars là, qu'on sait que c'est un 3A comme coordonnateur à l'attaque et qui était même un 3A comme entraîneur-chef. Là. Okay. T'sais, fait que moi, je pense que ça serait peut-être un petit pas de côté pour André Bolduc dans la progression de sa carrière, mais peut-être que le pas par en avant serait plus important et serait plus étincelant après ça. OK, OK. Ben, messieurs, c'est très intéressant. On a hâte de voir ce qui va se passer. Fred, on va se reparler sur d'autres sujets, que ce soit le baseball, la boxe ou n'importe quoi. Pascal, nous, on va se parler la semaine prochaine. Ça va être les finales de division dans les Canadiens. Rapidement, Pascal, t'as ta prédiction dans les deux finales? Deux demi-finales, c'est ouais, BC, ben, probablement. C'est sûr que moi, je tente pour BC ce match-là. Écoute, là, tu me okay, puis l'autre... Tu me surprends, là, mais... puis la deuxième... Saskatchewan ou chez eux? Mais Saskatchewan, là, en ce moment, là, Chris Jones là, a fait de quoi... tu sais, il a été critiqué énormément, là, Chris Jones, depuis qu'il est là. Puis moi, tu sais, je vois pas Winnipeg aller battre Saskatchewan. Saskatchewan, c'est la place la plus fun à jouer, particulièrement quand tu joues pour Saskatchewan. Oh, oui. Fait que, moi, je pense que Saskatchewan va, va l'emporter. Puis BC va aller battre Hamilton chez eux. Malgré que je n'ai pas pensé qu'on a réussi à faire du côté des Tiger 4 cette année. Eux qu'on voyait en bas de classement en début de saison. Là, ouais, okay. Parce qu'ils ont réussi à faire de quoi de bien. Mais ouais, je vais pour l'Ouest canadien. Ouais, écoute, effectivement. Puis Saskatchewan. Ben, messieurs, on s'en reparle bientôt. Pascal Massion et Frédéric Degg de la presse canadienne.